Morphy au palmarès, c'est fou. De nouvelles entrées de Hotel Morphy, Mimi Van Der Glo, Chinatown, Island, The History of, Steve Hill et Tommy T. Et on saura si les numéros 1 sont toujours Fred Fortin et Tegan and Sarah. Les palmarès, c'est fou, vendredi 17h.